بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 89، 89 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه أو إبطيه. كسلون عبد الله بن مالك إلى دي que le Nabi صلى الله عليه وسلم écartait entre ses bras, lorsqu'il se, c'est-à-dire dans la prosternation, à tel point qu'apparaissait le blanc de ses aisselles, c'est-à-dire la partie qu'il y a sous les bras. Yaqul Fadilat al-Shaykh rahimahullah ta'ala Ibn al-Uthaymin Arawi wa Abdullah ibn Malik, rapporteur c'est Abdullah ibn Malik Ibn Jundub al-Azdi. Qala aslama Abdullah qadiman wa kana nasikan fadila nazala fi makan يبعد 30 ميلا عن المدينة ومات فيه سنة 56. Donc il s'est converti longtemps. Yani il est parmi ceux qui sont convertis peut-être pas dès le début, mais yani qui ont fait longtemps l'islam. Il était un grand dévot, quelqu'un de mérite. Et ensuite, par la suite, il s'est rendu en un lieu qui d'une distance à peu près de 30 mail d'El Medina où il est mort en l'an 56 takriban. يقول موضوع الحديث, le sujet du hadith, بيان ما يفعل في اليدين عند السجود, c'est pour montrer que faire avec ses mains lors de la prosternation, comment est-ce qu'on place les mains. يقول في الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن مالك عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في يديه حال سجوده. Donc Abdullah ibn Malik a voulu informer de quelle façon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam posait ses mains lors de sa prosternation. فَيُبَيِّنُ أَنُّهُ كَانَ يُبَاعِدْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ لِيَنَالُ الْيَدَانِ حَظَّهُمَا مِنِ الْاَعْتِمَادِ وَالْاَعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَيَبْتَعِدِ السَّاجِدُ عَنْ مَظَاهِرِ الْكَسَلِ وَالْفُتُورِ وَكَانَ صَلَى اللَّهُ سَلَّمَ يُبَارِعُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. Donc il montre justement que celui qui fait la prosternation, il écarte ses deux membres, c'est-à-dire ses mains, des côtés de son corps. À la fin de pouvoir bien s'appuyer et d'avoir de la force lors de son sujoud. Et que cela n'apparaisse pas justement lorsqu'il se prosterne comme une posture de paresse ou de fatigue ou d'indolence ou relevalika. Et il disait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement faisait cela à outrance, à tel point, tellement il écartait ses bras, que l'on voyait le blanc de ses aisselles. فَيَقُولْ فِي فَوَادِ الْحَدِيثِ مَشْلُوعِيَةِ إِبْعَاد الْعَضُدَيْنَ الْجَنِّبَيْنَ حَلِّ السُّجُودِ وَالْمُبَالَغَةَ فِيهِ, qu'il est légiféré justement d'écarter les deux bras des deux côtés du corps lors de la prosternation et de le faire cela avec excès. ثانياً أن الإبط ليس من العورة, et que les aisselles ne font pas partie de l'aura, la partie intime, c'est-à-dire la partie du corps à ne pas dévoiler. Donc pour bien résumer la chose, celui qui se prosterne, il doit écarter ses bras de son corps et non pas avoir les bras le long du corps, je veux dire. Il écarte ses bras à tel point que l'on voit ses aisselles. Et il écarte ses mains de son corps et de sa tête. Car beaucoup de gens, lorsqu'ils se prosternent, ils collent leurs deux mains à leur visage, comme s'ils voulaient se cacher ou comme quelqu'un qui parle en secret à quelqu'un dans l'oreille de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça la sunna. La sunna, c'est d'écarter les bras et d'écarter les mains, à tel point qu'on voit tes aisselles. Et cela donne plus de force lors du sujoud également. Et bien évidemment, cela se fait lors de la salat. Lorsqu'on est seul, en groupe, on ne peut pas agir de la sorte car on pourrait gêner le voisin. Donc en groupe, on écarte autant que possible sans avoir à gêner le voisin. Et lorsqu'on est seul, on écarte. Comme cela est expliqué avec Mbalara, c'est-à-dire avec excès. À tel point que voilà. Donc cela n'est pas. Car des fois, des gens voient cela et ne comprennent pas la sunna et disent vous en faites trop. On dit non, c'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. C'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam agissait. À tel point qu'on voyait ses aisselles. Donc il n'y a pas d'excès dans celui de la sunna. Voilà. Et lorsqu'on dit excès ici, Mbalara, pour dire qu'il le faisait vraiment de façon flagrante. Naam. Azaladir al-Yom, biyad al-Hadith, wa alhamdulillah bil alamin.